Mais je vais envoyer la musique très rapidement, t'inquiète. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment. Pas de soucis, moi. Tu me remercieras, t'es surtout si t'es content du résultat, quoi. Oui. Non, mais je suis C'est surtout ça. Mais c'est lui, mais qui m'en parlait. Voilà, je vais pas comprendre ce qu'il fait avec. Hola para todos. Hola Orlando. Bienvenido a todos. Bienvenido en la página Música Afro-Caribe Original. Soy Petit Bizet de la Société des Ambianceurs. Et bientôt. Hola. Caroline, salut, comment tu vas? Yes. On va commencer. Bienvenue à vous. Asseyez-vous bien. Comenzaremos lentamente. Voilà Johnny. Colia colata, io colata ca. Hola Elvia. Come la io come la mi colo non so ma tanga. Cobina io cobina, codondo a io codondo a ca. Coseca io coseca, mi non so se paoni. Colia, yo colia, milato, yo colataca. Hola Wellington, ¿qué tal? Milangua, yo colangua, mi colo. Hola Edwin. Somatanga. Hola Claudia, bienvenida. Hola, hola, hola a todos. Hola. Codondo, yo codondo acá. Coseca, yo coseca, mi noño, so se va a unir. Sali nyonso yo lingi, napesi yo nyonso yo seki. Oswinga zoba, azi yo yuma. Merci beaucoup, citoyenne. Hola Luis, gracias, gracias para todo. Hola Corée. Cobina yo cobina, codondo yo codondo acá. Coseca yo coseca, mi noño so se va a unir. Hola Jesse. Hola Alex, bienvenido en la página Música Afro-Caribe Original con Petit Bizet. Thank you. Oui, Bisseki, joueur a touché, et ça a quand même pénalty. Bongo Lokola, c'est à Kosi Mingi, le lot de BBC. Citoyen, allô bien. Oui. L'andela va moi, elle a connu ton bon appel. Pour la taille à cause, citoyen m'a dit de m'appeler. Oh gosh. Elle a comme un 5 ans. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Citoyen, c'est bon, la bien, moi. Yoka, conseil gratuit. Bikamouya Komenga, moi si. Yo. Ou bien. Ata, ou bien, elle a sifflé. Et Zali Mabé, moi si Azali Sosote, moi si Azali Libatate, moi si Azali Mboate, Koumisan de Konayo, Koumisan de Konayo, moi si, parce que Azali Moutou, on est au Bengaye, le Kola Makako, ou bien, et Zali Mabé, remontez-moi la musique. Perfectos para Colombia. Escucha. Everybody Didier Pacheco, hola. Sí, Alberto, claro que sí. Molato, Kisa akoni kisa na kobina Oke chase one mbae ako beta Lovi ya rongo mbae ako hemba Bebe ya lome kae ako pusa Soso liso majesie machachai Zaiko langa langa kabashe Bisengoe na baninga Apeti eti somba Borazima Fonse kakasembe Ipopoe Idoli pwa libwa Akoyemba Bela bela ya bandekoe Bandekoe Bakuba ya bakuba Bakuba Ekontae tuzahina La konga lopopo Mwana dome Jeo malepo Zembe zembe Bantu la capitale Na le peuple Espebe kwa la kwa Na zinza Nenzo ine komande UMC Na kintweni, na kintweni Neko tabu nasional makiza Basusu to embite imizae Ambargo! Voilà Alex, total. C'est Jok, Langa Langa. Si George, si si, taboulé. Ritmos perfectos para Colombia. Palmarès. pas oublié mon. Où est le hanjon moake? Où est le hanjon moake? N'ayez oublié quand. Votez mon papa, t'es ivrolé. Votez mon papa, t'es ivrolé. Yo. Naga Naga. Le titulo est Infidélité. Diego, Boxer Boy. Thanks, Alex. Thanks. Gracias. Pablo Kubatika. Paris, Vivienne Roning, c'est Bruxelles. Dis-moi la vérité, c'est tu ne me suis pas, tu ne me suis pas, tu n'aimais pas la gloire. Pour moi toujours, oh doudou, oh mimi. Chéri, cher doudou, bien aimé. Chéri, cher mimi, bien aimé. Cœur à cœur, oublie mes fautes. Orchestre chauffé chauffé. Kantani Boma, Cyril Benza, Marlos, Bento, Samy, Bopol, Olios, Wampo. Bien aimé, cœur à cœur, crois-moi Zouzou. Cœur à cœur, crois-moi Zouzou. Je t'aime bien plus qu'ailleurs. Bien moins que demain, je t'aime bien plus qu'hier, bien moins que demain. Pour les francophones, n'oubliez pas que oh, avec la société des ambianceurs, on entre au quai, on sort KO. Chéri, cher doudou, bien aimé, chéri, cher mimi, bien aimé, cœur à cœur, prends-moi dans tes bras, cœur à cœur, prends-moi dans tes bras. Amène-moi partout où tu veux. Amène-moi partout où tu veux. Aide-moi tout ce que tu aimes. Oh doudou, oh mimi. Caroline, c'est l'heure de danser là. Thank you. est, tu ne m'embrasse pas, tu ne me souris pas, tu ne me parles pas. Pour moi toujours, oh doudou, oh mimi. Chérie, cher doudou, bien aimé, chérie, cher mimi, bien aimé, oh, cœur à cœur, oublie mes fautes. Souci et point, l'amour est le kelinga yawa, na komi lokola mwazoba, kaina kokufa na souci et point, l'amour est zipinga imato ima, kaina kokufa na souci et point, l'amour est le kelinga yawa, na komi lokola mwazoba, kaina kokufa na souci et point. L'amour est si bien aimé, toi, ma. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. On va aller à Batoro. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. On va aller à Batoro. Soki gana kanisi. Souvent, c'est la mona na bambata. Soki gana kanisi. Moutinga ba fina na pona. Ecotina gana sala scandale. Ecotina gana defa monte ma yudasi. Vamos, bro. Bro, it's time to dance. Just pick your girl and dance. Oka, oka, oka, oka, oka. L'amour est si bien aimé, toi, ma. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. On va aller à Batoro. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. On va aller à Batoro. Soki nga na kanisi. Souvent c'est na mona na bambanda. Soki nga na kanisi. Mofinga ba finga na mpona. Ekoti na nga na sala scandale. Ekoti na nga na defa motema yudasi. Yo mavungu. Naina kokufa na souci. L'amour est le kelinga yawa, na komi lokola mwazoba, kaina kokufa na souci et point. L'amour est si bien aimé, toi, ma. ainako kufana susi ewe l'amour elekeli ngaya wana komi lokola mwazoba ainako kufana susi ewe l'amour ezipinga imato ima Me gusta, me gusta mucho. Dino Vangu, aka Don King, Eboe. Écoute ça. For those who want to know, Dino Vangu is a former first guitarist of La Frisa International. Taboulé. Don King, Dino Vangu. Metal Banda. Dino Vangu, el primer, primer guitarista en Afrisa Internacional de Taboulé. Comment tu vas? Hola Henry, que tal? Saludos mi dos lugares favoritos, Cartagena y Barranquilla. Pero amo a toda Colombia y América Latina. Y André. Henry, me alegra saber que está bien. Mama, putain, Olivier, nom de Dieu, mon gars. Mais toi aussi, tu me fais du bien ce soir, frérot. Putain de Covid-19, mon frère. Casse les couilles. On est là, entre potes, entre frérots, parce que tu viens d'arriver. Donc, t'es mon frélo, mais dur. Bien sûr, tu me fais plaisir, mon gars. Gros dédicace à toi, mon pote. Ça c'est des pingouins. Oh, Patrick Mangasa. Oh, koka munuko azali kokosa yo lokola kosamba sima ya ntango moke okolela lokola ngba nakoma victime ya kolingo mama e Capella et Zoé Matondo. La petite Louise. Kamunuko, Sama Sama. Kamunuko, Kamunuko, Kamunuko. Azali koko sayo lokola kosanga. Sima ya tango moke okolela lokolanga. Nakoma victime ya bolingo mama e. Kamunuko, Papa Sinyo Songa Namoni, vraiment voyant. Lingala et son orchestre Virunga. Na matango na nge mongi pe okikela ngai Mama dio Misemesa na komona yo bandai Mama dio Bato ya songi songi pe bako tikate Mama zambeo Kona sheri masena tikate Kakakaka babo ya ngai Na ebi ya soyo moto bandaka boliko Na tango lange bongi peo tikela ngai Mama dio Miso emesana komona yo bandai Mama dio Bato ya songi songi pe bako tikate Mama zambeo Chéri ma sera ticate Viva Colombia Banda luka kanyo soe Mobali akima banae Banda tonda na bamwae Vigo Yuffie Banda konyo koloka yo Yuffie can aggressive Come on Bona oyo kokana na ye Obenga kae banae Obanda yo na nanyo Mamba o Yo na nanyo Yo na nani banda na nanyo Banda luka kanyo soe Mobali atikanda koe Mbanda sana kanyosoe Mobali akima banae Merci Caroline, merci beaucoup Mbanda sana na maposibilite yango Mbanda konyo kolonga yo Yona nanyo Yona nanyo Yona nani banda mama Kona oyo kokana na ye Omenga kae banae Mbanda yona nanyo Mama o Mbanda yona nanyo mama e Elvira Mobali akima ndako e Banda luka kanyoso e Mobali akima banda e Banda tonda na ba milio Yango banda konyo kolonga yo Yona nanyo Yona nanyo Yona nani banda mama Bona oyo kokana na e Omenga na e banda e Mbanda yona nanyo Mama o merci à toi de m'accompagner dans cette soirée. Tu fais grave plaisir, mon pote. J'espère que t'as la santé. Et il me tarde de te revoir. Gracias, Jonathan. Gracias. Na koma basura ya na tutela ya mtolo. Obama kimia, gobe mwa sengira ya, ovanda kimia. Kama ye misabe mote na koya, alume la kaba boti ya vama zela kanga ye. Na koya kwa mongisa, lisa la liga la ye, na para koto kongisa. Gracias para tu la hora de la última canción. Gracias por seguirnos. Estad atentos en la página Música Afro Caribe Original. Soy Petit Bizet. Adiós. Passez une excellente soirée. C'est l'heure de la dernière chanson. Voilà, passez un bon week-end. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ah mama, mon corps n'a pas confiance. mon poteau. Toi aussi la bise mon frère. Ambroise, j'ai plus de 10 mon pote. J'ai passé tous les disques de ma sélection. La semaine prochaine. Gracias para seguirme. Adiós.